إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بفضل الله تعالى من هذا اليوم إن شاء الله تعالى عزمت على أن أقرأ في كتاب الشيخ العلامة محمد الأمين ابن محمد المختار ابن عبد القادر الجكني الشنقيطي رحمه الله تعالى المسمى بدفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. Ce livre, inshallah, que j'aimerais lire et en traduire certains passages importants du livre de Mohammed el-Amin Chanqiti, rahimahullah ta'ala, ce très grand savant de notre époque, déjà décédé, rahimahullah ta'ala. Bi'unwan, pour titre, Daf'a Iham al-Ittirab an Ayat al-Qur'an, ou an Ayat al-Kitab, plutôt. C'est un livre que Allah nous permet, nous a donné l'occasion de pouvoir lire avec notre cheikh Abou Bilal Hadrami, tous les vendredis ici, Merkez Al-Hami. C'est un livre, un ders hebdomadaire. Pour ma part, je l'ai pris en cours, je n'étais pas là au début. Mais c'est un livre très moufide qui a pour but, comme cela va apparaître, de repousser les ambiguïtés que pourraient avoir certaines personnes en elles-mêmes ou que pourraient exposer d'autres personnes mal intentionnées pour mettre le doute dans le cœur des musulmines par rapport au livre de leur Seigneur. En disant, regardez, dans tel verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit telle chose, et dans tel verset, il dit autre chose. Donc c'est contradictoire pour faire douter des gens de la révélation du wahi. Donc mon cause dans cela, c'est yani raf al-jahl an nafsi awlan wa an ghayrihi thaniyan wa narju min Allah أن يوفقني أن يكون نيتي خالصة لوجهه في ذلك. Donc là, le but, ça va être de faire des audios très courts, assez concis, limités à la tarjama de certains passages. Je n'ai pas la niya de faire tout le livre, mais d'en faire les principaux passages les plus importants, quand même, car cela demande des connaissances en langue arabe. Certaines explications sont assez complexes, ou des connaissances dans d'autres ulum, comme dans Usul al-Fiqh, Mathalan, ou Ghayr Zalika. Et là, c'est une approche pour les gens n'ayant pas eu l'occasion de pouvoir étudier ces choses-là auprès des ulama. Donc, apporter tout ce qui est cité ici de façon mufassal, détaillée, cela m'aiderait une certaine lourdeur aux débutants, au Ghayr Zalika. Donc, Inch'Allah, ce sont des douloureux simplifiés. Et Arni, comme on a dit, certains passages en résumé, et les principaux, les versets qui pourraient amener le plus à se poser des questions quant à leur explication. Yani yu'lam kama qala shaykh al-islam wa ghayruhu, yani que dans le Coran il n'y a pas de contradiction, aucune. Cependant, parfois des choses en apparence pourraient paraître comme étant contradictoires. Se poser pourquoi Allah dans le verset il a dit telle chose et ailleurs il dit autre chose qui ne ressemble pas à cela, et cela demande des connaissances pour pouvoir expliquer cela. Donc là, le shir va amener à élucider ces points-là. Biznila ta'ala. Tamam. Et donc de là, nous essaierons de faire, mathalan, chaque audio, un verset. Un verset, si possible. Et si le verset, l'explication, yani tatoul alayna, mathalan, un peu longue, sur deux audios, trois audios. Des choses courtes, très courtes, biznillah ta'ala, pour que ça reste dans l'esprit du Sami'a. Donc, awalan, on va lire un résumé de la tarjama de l'auteur, comme nous l'avons cité, qui est Mohamed Al-Amin Enchanqiti, qui fait partie de la fameuse tribu connue, pourrait-on, Jakaniyin. Quand même, Jakaniyin, Al-Jakanni. Et parfois, on peut trouver écrire Al-Jakinni. Kazalik. Comme sur mon livre, en couverture, il écrit Al-Jakinni. Et à l'intérieur du livre, il écrit Al-Jakanni. Al-Ma'ruf, ce shir, ce grand savant, était d'origine mauritanienne. Et il est né dans la contrée de Kifa, à Chinkit, en Mauritanie, en l'an 1325, qui équivaut à l'an 1907, l'année de l'ère chrétienne. Et de là, il a appris, commencé à faire son apprentissage. Son père est décédé, rahimahullah ta'ala, alors qu'il était encore un pubère. Donc il était orphelin, car le yatim, l'orphelin, c'est celui dont le père est mort avant d'avoir atteint la puberté. Et de là, il a appris de nombreuses sciences dans la famille de son oncle maternel, où il a appris le Coran, où il a appris la langue arabe, où il a appris également, il a évolué dans son pays sur le Madhab al-Maliki, c'est ce qu'il a appris le plus. Puis, il partit en Hajj en 1367, qui équivaut à l'an 1448, parti faire le Hajj, et de là, il s'installa au Mamlaka en tant qu'enseignant à Al-Médina, puis à Riyad. Et ensuite, il fut enseignant à la Jamia al-Islamiyya d'Al-Médina, qui est Ma'aloufa. Ça, c'était en l'an 1381, qui équivaut à l'an 1962. Et ce shir était connu, d'accord, parmi les grands savants de son époque, qui ont marqué son temps, référence incontournable pour toute personne aimant cette religion et particulièrement aimant la science. Il a beaucoup d'ouvrages à son actif, certains qu'il a écrits alors qu'il était encore dans son pays et d'autres qu'il a écrits par la suite lorsqu'il était au royaume. Parmi les connus, il y a Mathalan, Man Jawaz al-Majaz fi Munazzal lit-Ta'abud wal-Irjaz, qui est un livre qui parle du fait qu'il n'y a pas de Majaz dans le Coran. D'ailleurs, de là, le titre a porté à confusion qui a amené à ce que certaines personnes pensent que l'auteur voit qu'il y a du majaz dans la langue arabe, mais pas dans le Coran. Chose qui n'est pas le cas. Il voit qu'il n'a pas de majaz ni dans le Coran, ni dans la langue arabe. Également, le livre que nous avons entre nos mains actuellement, là, qui est Daf Iham al-Ittirab. Également, parmi ses livres connus, Muzakkarat al-Usul à la Rawdat al-Nazir, dans Usul al-Fiqh, un livre référentiel également très connu dans la science des Usul. Il y a son fameux tafsir qui est Adwa al-Bayyan fi Idah al-Qur'an bil-Qur'an, qui est un tafsir qu'il a écrit, un excellent livre, fortement recommandé par les ulama, dans lequel il fait un tafsir du Qur'an par le Qur'an. Il explique les versets du Qur'an par d'autres versets du Qur'an. Il n'a pas eu, Allah ne lui a pas accordé de pouvoir compléter ce livre. Il est mort au moment où il était arrivé au surat al-Mujadala, à peu près, et après son élève, Achir Ataya Salim, qui a complété le livre. Et il a d'autres rasa'il plus courtes. Et parmi ces talamiz, il y a le Cheikh Bakr Abu Zayd, qui était connu comme étant parmi les ulama de l'Ajna Daima fut un temps. Il a dit « Law kana fi hada zaman ahadun yastahiqu an yusamma Cheikh al-Islam, lakana huwa » Que si quelqu'un méritait bien à notre époque d'être nommé comme étant Cheikh al-Islam, ça aurait bien été lui. Cheikh Ashankiti. Donc il est mort à Mecca, rahimahullah ta'ala, au Doha, Yom al-Khamis, un jeudi, du 17 du mois de Zilhijjah, en l'an 1393, qui équivaut à l'an 1973 de l'ère chrétienne. Il fut lavé dans sa maison, à Mecca, et la salat fut accomplie sur lui par Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et fut enterré là-bas par la suite. Pour revenir à l'explication du livre en soi, de titre, qui est Daf Iham al-Ittirab, Awalan Dafa. Dafa, c'est le masdar Dafa Yadfa'u, qui veut dire dans le sens de repousser. Repousser une chose. Ensuite, Iham, c'est le masdar de Awhama. Awhama Ghayrahu. C'est-à-dire le fait de faire que quelqu'un s'imagine quelque chose, le fait de penser quelque chose, de s'imaginer quelque chose, une impression qu'on pourrait avoir. Ba'da hadha, Al-ittirab, al-ittirab, c'est le masdar du verbe ittaraba yattaribu, qui est pris du ad-darb, le fait de se heurter ou de frapper. Et ce masdar ittarab, yani ittaraba, yani le masdar ittirab, quand on dit meselen tadarab al-qawm wa ittarabu, c'est-à-dire que le peuple se sont heurtés, se sont frappés. C'est un sens qui est proche du fait de diverger et de la contradiction. Le fait que certains versets pourraient apparaître de façon, on va dire, c'est quelque chose de relatif par rapport à certaines personnes, par rapport à la compréhension, comme étant contradictoire sur certains points. Chose qui n'est vraiment pas le cas. Bilashak wa la rib. Et la cause que le Shir écrit ce livre, c'est qu'il fut interrogé par l'un de ses toulab, l'un d'un ders, entre deux versets justement, qui paraissaient comme étant se contredire. Donc le Shir, il répondit à la question de ce talib, et il cita que dans le Coran, il y a beaucoup, c'est un fait qui se répète beaucoup, que des versets donnent l'impression que d'autres s'opposent. Et de là, ce talib lui a demandé, est-ce qu'il connaissait un livre écrit déjà sur le sujet? Et de là, le Shir lui dit, je n'en connais pas. Ce qui fut la cause justement que lui-même s'engage à écrire son livre, à savoir que d'autres livres ont été écrits sur le même sujet. D'autres livres ont été écrits sur le même sujet. Et ce livre, il l'a écrit, rahimahullah ta'ala, en 15 nuits. En 15 nuits, en l'an 1373. L'espace de 2 semaines. Donc là, c'était pour avoir une présentation du livre et de son auteur. Tamam. Et nas'alallah wa naj'al dhalika fi ميزان حسناته وأن يرحمه وبيد القدر نكتفي سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك